Bonjour, bienvenue si vous rejoignez le 89.5 de la bande FM. Vous êtes bien sûr Duo Radio Duo sur Saint-Étienne et Périphérie. On écoute également en ligne, en streaming comme l'on dit, via la toile le net, les www.radiodio.org. Troisième jeudi de chaque mois, rendez-vous avec l'émission mensuelle réalisée en partenariat, collaboration avec le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Je rappelle que ce sont des enseignants, des chercheurs et des étudiants, notamment de deux laboratoires stéphanois, à la fois le MODIS, Monde et Dynamique de Société à l'époque, et l'IERP, Institut des études régionales et des patrimoines, qui ont constitué, c'était en 2007, ce groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. L'idée est de réaliser finalement un programme d'enquête sur la vie ouvrière, sur le mouvement ouvrier dans le bassin stéphanois, des origines jusqu'à la fin du XXe siècle, ainsi que sur la mémoire de ce monde ouvrier en voie de disparition, un projet qui se place dans une perspective globale d'inventaire finalement et de sauvegarde de la mémoire ouvrière stéphanoise des débuts de l'industrialisation à la désindustrialisation. Voilà, tout un programme, bien sûr, de valorisation aussi de ces recherches est mis en place et de plusieurs manières. Ce programme radiophonique en fait partie. Alors, pour ce mois de décembre, eh bien, nous recevons en direct ou quasiment deux invités du GREMOS, à la fois Maurice Bédouin, qui est historien, géographe, membre actif du groupe de recherche, et comme invité, je dirais, pour aujourd'hui, René Commer, qui est professeur de géographie à l'Université de Saint-Étienne, auteur de « Mémoires d'acier en Ondaine », paru il y a plus d'une dizaine d'années, sur lequel on va très largement s'appuyer pour cette émission à venir, qui va porter sur la région stéphanoise, en tout cas périphérie stéphanoise, on va être dans la vallée de l'Ondaine, avec pour thématique générique le site métallurgique de Londaine de l'après-guerre à nos jours. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue Bonjour. Sur Duo et je vous laisse d'emblée la parole pour entamer cette émission et thématique du jour. René Commer, comme géographe, vous êtes impliqué dans la vie locale. Le rôle du géographe, c'est aussi d'avoir un regard sur les territoires et de les faire bouger. Oui, c'est vrai. Je suis impliqué de plusieurs manières puisque j'ai été pendant 10 ans président du syndicat d'initiative de Firminy-Ondaine-Gorge de la Loire. Et que je ne pouvais pas me désintéresser de tout ce qui se passait dans l'Ondaine. Et en particulier, j'étais toujours intéressé par l'évolution des sites industriels. Et j'avais sous les yeux quotidiennement l'évolution du site qu'on vient d'évoquer, de la grande usine de l'Ondaine, de l'époque de CAFL et de Creusot-Loire. Et ce site vous a amené à publier un ouvrage dont on a parlé, des articles, mais aussi à être le co-auteur d'une exposition qui est revenue en surface il y a peu de temps. Ah oui, alors c'est en 1994, je venais de prendre ma retraite, ou j'étais en train de la prendre, et j'étais invité à participer à l'équipe qui montait cette exposition, qui devait s'appeler « Mémoire d'avenir » et qui devait traiter et illustrer les 30 années de brillantes, ce qu'on appelait les 30 glorieuses, de cette usine des bords de l'Ondaine qui s'étale sur Firminy, Fraisse et Unieux, c'est-à-dire les anciennes aciéries Holzer et Verdier, fusionnées en 1953 dans la CFL et absorbées en 1970 par Creusot-Loire. Alors c'est bien de cette usine dont nous allons parler ensemble, gigantesque usine au niveau du bassin de la Loire, mais aussi au niveau national. Ah oui, c'est immense, c'est très étendu puisque j'ai mesuré sur la carte l'ensemble de l'usine à l'époque où elle fonctionnait intégralement s'étendait le long de l'Ondaine sur 2 kilomètres de long, avec une accumulation de bâtiments dont on avait du mal à comprendre quand on n'était pas bien informé, bien instruit. On avait mal à comprendre la fonction et l'agencement et les différents rôles. Mais c'était à l'image de cette usine qui fabriquait toutes sortes de choses extrêmement variées. Et c'était vraiment un sujet d'étonnement d'avoir une usine pareille au XXe siècle. Et on jouait déjà à l'intercommunalité puisqu'on était sur plusieurs communes. Ah ben l'intercommunalité, c'est les industriels qui ont acheté des terrains pour s'étendre. Et là où ils avaient besoin, c'était surtout d'abord près des voies de communication, des routes. L'Ondaine a joué un certain rôle parce que ça servait autrefois pour la trempe, mais ce n'est pas le rôle le plus essentiel ensuite dans le développement de l'usine. Un exemple, l'usine Holzer a dû s'agrandir à Unieux et sur Fraisse pendant la guerre 14-18 pour créer de nouveaux ateliers pour fabriquer des obus. Je te donne cet exemple. Alors, choisissons une année de référence, l'année 1954. Alors 53, 54, oui, c'est l'année où les deux aciéries, Holzer, ça a eu lieu donc, les fraises, et Verdier, aciérie de Firminy, autrement dit, ont été rassemblés dans la création de la compagnie des aciéries, des ateliers et forges de la Loire. Il ne faut pas dire aciérie, il faut dire atelier. Ateliers et forges de la Loire, qui comprenaient aussi des usines à Saint-Étienne dans la vallée du Gier. Et cette usine a dû s'adapter à la fusion. C'était deux systèmes industriels très différents, bien que très voisins, avec des mentalités très différentes. Et j'ai montré dans mon livre, évidemment, comment s'est faite l'unité entre ces deux usines. Mais pendant longtemps, on continuait à parler un langage différent, à avoir des horaires différents et à ne pas toujours se comprendre d'une à l'autre. C'est ce que les ingénieurs, les anciens ingénieurs, se plaisent à raconter. Oui. Et alors, sur le plan économique, sur le plan de la production, on est là à un sommet qui ne sera jamais plus atteint. Alors, cette usine de la SAFL, d'abord, elle a entraîné des qualifications particulières à l'échelle du bassin stéphanois, puisque elle se trouvait associée à des usines qui étaient dans la vallée du Gier, qui étaient à Saint-Étienne, et il fallait déjà lui donner des spécifications. Et on s'est orienté essentiellement vers les aciers de qualité, hein, en plus de ce qui existait déjà, c'est-à-dire la forge, la fonderie, mais surtout vers les aciers de qualité. Et quelques autres spécificités dont tu aurais à parler, mais ça serait trop long. Et à l'intérieur même de l'ensemble de la vallée de Londaine, il y avait deux usines qui étaient fusionnées. Dans certaines, on faisait un peu les mêmes choses, hein, ou des choses semblables. Et il était inévitable que dans les restructurations, on finisse un jour ou l'autre à supprimer l'atelier qui travaillait moins bien ou qui produisait dans les moins bonnes conditions pour tout, mettre le paquet sur l'atelier qui était le meilleur pour tel ou tel type de production. Voilà. Alors cet ensemble industriel a des résonances qui sont très, très modernes, très actuelles, hein, parce qu'il a toujours été affronté à des questions de gouvernance. C'est-à-dire que oui. Plusieurs acteurs ont eu leur mot à dire sur les choix qui ont été faits sur le site. Oui, ben, les acteurs, à partir du moment où on a été dans la CAFL, il a fallu décider qui ferait quoi à quel endroit et redéfinir les fonctions des différents ateliers. Alors, c'est une histoire qui est assez compliquée, mais par exemple, il y avait plusieurs laminoirs, il y avait plusieurs fonderies, il y avait plusieurs systèmes de fours électriques. Donc, il a fallu rassembler et renforcer ce qui était déjà fort et laisser tomber ou laisser se réduire ce qui était faible. Mais c'était un problème de direction assez compliqué. Compliqué aussi par le fait que, du fait de l'héritage historique, il y avait une extraordinaire diversité de fabrication. Hein, on fondait le métal, on laminait, on moulait, on moulait l'acier. On faisait aussi du travail sur les fontes malléables. C'était une spécialité qui venait de l'usine de Firminy, qui fabriquait depuis les années 20 des raccords. On avait un laminoir à froid. Et on avait aussi des ateliers de fabrication mécanique et même de montage de machines. C'était extraordinairement varié. L'origine de cette variété, c'est que après la Première Guerre mondiale et même avant, les chefs d'entreprise cherchaient la sécurité de l'avenir dans la diversification des produits. Et la diversification, plutôt en recherchant les clientèles exigeantes au niveau de la qualité. Alors c'était les chemins de fer, c'était les équipements des mines, c'était l'équipement des transports, c'était les fabrications de machines, c'était les armes aussi, puisqu'on a fait aussi beaucoup d'obus et de blindage. C'était les tourelles des chars, c'était quantité de choses. On a fabriqué aussi beaucoup de chenilles pour les chars militaires, vous voyez, par exemple. Une variété extraordinaire de fabrications. Et alors voilà que, au-dessus de cette gouvernance propre de l'entreprise, apparaissent des logiques qui ne sont plus proprement locales, mais qui sont européennes et qui sont nationales. Mais ça, c'est une règle générale dans tout ce qui est sidérurgie ou industrie lourde. Il y a des spécialisations qui s'affirment en fonction des ressources, du savoir-faire locaux, des conditions de transport aussi, des conditions de déplacement. Il y a aussi On ne peut pas ignorer la naissance de nouveaux systèmes, par exemple dans la sidérurgie. On s'est mis à faire de la sidérurgie au bord de la mer. Pourquoi ? Parce que ça permettait l'approvisionnement en fer et en charbon par bateaux entiers, par les bateaux conteneurs entiers. Et finalement, le minerai de fer ou le charbon rendu à Dunkerque, par exemple, ou à Foss, en France, et bien d'autres cas similaires dans le reste de l'Europe, mais ces wagons, ces bateaux remplis de minerais, le minerai à la tonne arrivait moins cher d'Amérique ou d'Australie que celui qu'on produisait sur le territoire national. Et c'était pareil pour le charbon. Donc la sidérurgie a eu tendance à déplacer vers la mer, et ça a été Foss, ça a été Dunkerque pour la France, et ça a concurrencé évidemment ce qui se produisait à l'intérieur, qui a été obligé ou qui a été amené à se spécialiser dans des productions plus fines, plus raffinées et de qualité, ou plus subtiles en quelque sorte. Voilà. Et votre analyse, qui est tout à fait étonnante, consiste à montrer que dans cette période des années 60-70, certes, l'entreprise avait atteint un certain niveau de compétence et que malgré tout, vous, géographe, vous discernez les éléments qui vont apporter son déclin. Alors, on savait faire beaucoup de choses et... Il y avait quand même jusqu'à 5 ou 6 000 ouvriers. Vous voyez, non, je parle du personnel en général. On savait faire beaucoup de choses. Il y avait quand même des éléments de qualité. Hein. Il y avait une qualité de formation du personnel. Il y avait une qualité... un ingénieur un jour m'a dit... on avait le laboratoire aussi qui travaillait sur les aciers. Et un ingénieur un jour m'a dit « C'est fou ce qu'on nous demandait de faire. On demandait des choses incroyables ou impensables et on cherchait à les faire. » Je donne des exemples. Par exemple, des cloches de plongée sous-marine. C'est à la chaudronnerie de l'usine de Londaine qu'on a conçu les premières sphères de plongée profondes pour la Gnexo, c'est-à-dire pour l'exploration des océans. On a demandé aussi à l'usine des aciers très spéciaux, adaptés à toutes sortes de produits chimiques, ou gaz, ou liquides, acides ou non. Et il y a eu toute une formation, toute une création de produits adaptés à tel ou tel besoin de la chimie. Ou le nucléaire aussi. On a fabriqué des cuves de réacteurs nucléaires. On a fabriqué également... Alors, un exemple qui est assez typique, ça a été le train d'atterrissage du Concorde. Le Concorde, où il fallait un acier. Et il fallait inventer, ça a été inventé à Unieux, dans le laboratoire de recherche, un acier qui soit à la fois résistant, parce que quand un avion se pose, il faut que ça résiste, qu'il puisse garder ses propriétés de souplesse et de résistance, tout en subissant à chaque vol des variations de température depuis 25 à 30 degrés ou 40, quand il faisait chaud, jusqu'à moins 40 ou moins 50 quand c'est dans la haute atmosphère. Et on a réussi à faire le balancier du train d'atterrissage du Concorde avec un acier spécial qu'il a fallu concevoir, essayer et tester. Et ensuite, on a fait l'usinage des premiers éléments. Et dans l'histoire du Concorde, cette pièce n'a jamais failli. L'impératif de l'équipe au laminage. Il faut absolument que vous ayez en main vos 50 hommes de l'équipage. Ce que je n'admettais pas, c'était qu'on boive au chantier. Quand on était du poste du matin, c'était bien réglé. Je leur faisais un bon de 3 litres de vin pour de 6h à 2h, 6 à 14h. Il fallait l'admettre, parce que réellement, entre 2 ou 3 lingots, quand ça marche bien, si vous ne permettez pas comme ça, ils boiront quand même. Alors pour une vingtaine, je leur disais « 3 litres, c'est fini ». Ça marchait. Parce que quand ça buvait trop, même s'il n'y en avait qu'un, il valait mieux arrêter le travail. L'équipe ne marchait plus. et c'était des riblons qu'on faisait. Mais il y avait de l'entente entre nous, sinon c'était impossible. Pour le responsable du travail, il fallait absolument connaître individuellement ces hommes. Et dans les remplacements, si quelqu'un était malade ou absent, savoir à qui on pouvait demander, au besoin en lui disant « au début on ira doucement ». Par exemple, à la tréfilerie, c'était très délicat parce qu'un homme pouvait se faire couper en deux en rien de temps. Un exemple de la solidarité. Au train, si on finissait à 2h, sur les 17 à 18 bonhommes, il y en avait qui commençaient à 1h30, même à 1h15, à aller se débarbouiller. À cette époque, on n'avait pas encore les douches. On chauffait des seaux d'eau avec des riblons chauds, on se lavait en vitesse. Alors on se remplaçait, il y en avait qui faisaient le travail de deux, mais il y avait des primes au tonnage pour l'ensemble du poste. Si certains quittaient en avance, ça ralentissait quand même le travail. Alors j'ai dit au patron que si on avait une prime suffisante, il y en aurait plus qui quitteraient avant l'heure et on ferait 4 ou 5 lingots de plus. Et ça a joué comme ça. Témoignage d'un chef d'équipe au Laminoir chez Verdier en 1960. Il s'agit d'un témoignage que l'on retrouve au milieu de multiples autres témoignages qui sont publiés à la fin de l'ouvrage de René Commer, Mémoire d'acier en Andenne. Et ainsi, René Commer, vous nous initiez à la méthode qui a été la vôtre pour écrire cet ouvrage. Alors la méthode, ça a été de... C'est très simple. Pour la partie concernant l'histoire de Creuse-Loire, une partie de l'histoire de la CFL et de Creuse-Loire, et ce qui a suivi Creuse-Loire, il n'y avait pas d'ouvrage, pas de document, sauf la possibilité de rencontrer des anciens acteurs et de se procurer aussi ce qu'on appelle la littérature grise, c'est-à-dire des rapports de commission, des rapports de comité d'entreprise, des rapports de syndicalistes. Et j'ai eu un jour une chance extraordinaire. Pour les deux derniers chapitres où je voulais montrer justement la désagrégation, la désintégration progressive de l'ancienne usine, j'étais un peu à court de moyens, de documents. Et puis j'ai eu une chance extraordinaire. Je demande un jour à un des membres du conseil d'administration du syndicat d'initiative de Firmini. Je savais qu'il avait été responsable de la CFDT dans l'usine, et très actif puisqu'il était membre, il était au comité d'entreprise, il allait aux des réunions jusqu'à Paris. Et je lui dis, tu n'aurais pas par hasard des documents sur cette période? Et il m'a dit, écoute, tu fais bien de m'en parler, j'en ai plein mon garage, je ne sais pas quoi en faire, j'allais porter tout ça à la benne. Alors le lendemain, je lui ai apporté deux grands sacs en plastique, sacs poubelle. J'ai dit, tu me remplis ça avec tous tes papiers. Et j'ai passé 2 ans à peu près à les trier. Et puis j'allais le rencontrer pour lui demander des renseignements. Et fort de cette documentation, quand je rencontrais des interlocuteurs, j'avais des questions précises à leur poser pour mieux comprendre ce que je trouvais dans ces rapports ou dans ces documents multiples. Et c'est comme ça qu'ont été bâtis les deux derniers chapitres, en quelque sorte, les entretiens et cette documentation que j'ai pu rassembler à droite ou à gauche de façon... Presque un peu au hasard, il faut bien le dire, mais c'était très, très enrichissant et assez prodigieux. Alors c'est comme ça que j'ai travaillé, c'est parce que vous posez la question. Et à travers ce témoignage, là, on sent bien le télescopage qu'il pouvait y avoir entre ce que vous nous annonciez comme production extrêmement sophistiquée, extrêmement moderne, et des réalités héritées, très pesantes, et qui expliquent en quelque sorte pourquoi l'entreprise... Vous y avez détecté un certain nombre de fragilités. Oui, alors c'est compliqué à dire parce que j'ai mis dans un chapitre appelé « Des atouts fragiles » ce qui m'est revenu par les interviews que j'ai pu faire, les rencontres passionnantes que j'ai pu faire auprès d'ouvriers, de syndicalistes, de contremaîtres, d'ingénieurs, que je cite dans le livre, ils sont nommés dans les remerciements. Et j'ai essayé de faire un chapitre de Saint-Tel, les atouts et la fragilité. Et sur les fragilités, j'ai essayé de rassembler sous différents thèmes ce qui était ressorti de ces entretiens. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que certains étaient conscients de certaines fragilités et d'autres étaient conscients d'autres types de fragilités. Ce n'étaient pas les mêmes interlocuteurs qui ont tout dit. C'est venu de plusieurs sources et moi, c'est le recul du géographe qui a cherché à voir, à travers tous ces témoignages, quelles étaient les fragilités qu'on pouvait repérer. Alors, c'est compliqué à dire, mais enfin, on commence par... On en cite quelques-unes. On en cite quelques-unes parce que il y a d'abord l'une des fragilités, c'est l'enclavement géographique. Ah pardon, alors je voulais dire qu'on s'est aperçu de cette fragilité parce que par rapport aux autres usines de CFL et de Creuse-Loire, celle de Londen était celle dans lesquelles le produit, la productivité était la plus faible. Et le bénéfice, donc les rentrées d'argent, est plus faible. C'était celle qui rapportait le moins, en quelque sorte, à la firme. Alors il y avait des raisons à cela. Et c'était ça, les fragilités. Parce que quand une usine ne rapporte pas assez, les financiers ont tendance à dire, bon, on arrête, hein. Voilà, on arrête et on ferme. Alors les fragilités que j'ai pu détecter de cette façon-là, c'était d'abord l'enclavement géographique. Et ça a joué, l'enclavement géographique. On est loin des grands axes de communication. Ça a joué, par exemple, je donne un cas. Il y avait la chaudronnerie qui travaillait pour le nucléaire. Alors cette chaudronnerie, eh bien, évidemment, elle était mal placée géographiquement. Par exemple, il a fallu faire une cuve de réacteur pour la centrale nucléaire de Brennilis, en Bretagne. Et une fois qu'elle a été produite à Firminy, il a fallu la transporter en Bretagne. Et ça a été un déplacement incroyable de difficultés, parce que c'était un gros volume, un gros tonnage, et ça ne pouvait pas passer n'importe où, même par les autoroutes. Et c'était déjà un élément d'accueil. Alors, pour cette raison-là, le ministère a demandé que, à l'époque, c'était dans les années 60, début des années 60, dans les années 70, on déplace cette fabrication du côté de Chalon-sur-Saône. Hein, où il y avait la Saône navigable, c'était plus facile à transporter. C'est un exemple, mais il y en aurait plein d'autres à signaler. Donc l'enclavement géographique qui a été un des facteurs de fragilité. Un autre facteur de fragilité, c'était les prix de revient élevés. Alors pourquoi des prix de revient élevés? Parce que souvent, les produits demandés par la clientèle étaient en petite quantité. C'était quelquefois un exemplaire ou deux ou trois exemplaires. C'était donc, on faisait du travail de recherche, de mise au point, de recherche de nouveaux aciers pour produire un ou deux exemplaires de ce produit. Et quelquefois, les séries demandées portaient sur de petites quantités. Alors, les frais, évidemment, de recherche, de conception par le laboratoire étaient élevés. Mais le rendement, le profit était faible. Alors l'exemple du train d'atterrissage du Concorde, c'est tout à fait ça, hein, des heures de travail. J'ai un exemple, le train d'atterrissage du Concorde. Il fallait partir d'un lingot de 900 kilos pour obtenir ensuite une pièce usinée dans toute sa beauté qui ne pesait plus que 130 kilos après le travail d'usinage. Et évidemment, tout ça se paye en temps et en argent. Un autre exemple, c'est la centrale gazière d'Alfortville. On a fourni un équipement formidable pour la centrale gazière d'Alfortville. Au niveau technique, c'était prodigieux, ça a été célébré comme tel quand c'est sorti, mais au niveau commercial, ça rapportait zéro, parce que il y a eu plus de coûts que de bénéfices. Et puis vous estimez aussi qu'il y avait des ateliers où il y avait sur-effectif. Alors il y avait aussi des ateliers où pour des raisons variées il y avait sur-effectif, c'était l'héritage historique. Mais aussi, dès qu'il y avait une période de crise, c'était difficile. Et compte tenu de la spécialisation de beaucoup d'ouvriers, il y avait une cinquantaine de métiers recensés, c'était difficile de dire, ben, là, il n'y a pas trop de travail, mais tu vas aller travailler dans un atelier, tu vas aller travailler dans un autre. Parce que c'était difficile de déplacer les gens à l'intérieur de l'usine pour aller d'un atelier à l'autre. Ils étaient très, très branchés sur leur spécialité. Et les syndicats et les ouvriers n'avaient pas du tout envie qu'on leur parle de polyvalence et de formation pour être polyvalent. C'était, moi, je sais faire ça, puis au point final. Voilà, c'était un peu ça. Voilà. Et il y avait cette fragilité. Bon, dans les fragilités, il y a eu des concurrences nouvelles aussi. Bon, par exemple, il y a eu des modèles de fabrication qui avaient été mis au point dans la vallée de Londen, mais qui se sont généralisés. Je pense par exemple à la scierie à l'oxygène, mais n'entrons pas dans les détails techniques. Mais ce qui est important aussi, c'est que dans l'usine, et c'est les ingénieurs qui me l'ont dit, beaucoup d'ingénieurs ou de gens de l'encadrement, ils nous ont dit, voilà, on était dans une situation de subordination par rapport à un pouvoir qui était très loin. Hein, le siège social était à Paris, le pouvoir était à Paris, c'était au niveau des sphères gouvernementales. Et par rapport à ce pouvoir, on avait, compte tenu de ce qu'on devait faire, on avait trop peu de capacité d'initiative. On était un peu bridé par cette espèce de centralisation du pouvoir. Alors que nous, sur le terrain, on avait le savoir-faire technique, mais de Paris, ce n'était pas perçu. Hein. Alors, il y a encore un élément de fragilité que je voudrais quand même évoquer. C'est peut-être, alors aussi de témoignages de certains, hein, c'était rétrospectivement, certains responsables pensent qu'on avait aussi un certain manque de savoir-faire commercial. C'est-à-dire qu'on savait produire, on savait moins bien vendre et prospecter des marchés. Et puis on s'est aperçu aussi,

une restructuration du monde minier. Il y a une remise en question de toutes les grandes activités stéphanoises. Et ici, dans la vallée de Londen, les désinvestissements commencent. Oui, ah ben ça commence en gros, oui, vers 1973, donc 3 ans après la fusion d'Ancre-Zauloir. Alors, il faut dire une chose quand même, c'est que ce qui a été sensible au niveau local, ça a été la baisse d'effectifs. Je prends entre 1970 et 1976, par exemple, l'effectif de l'usine, l'ensemble de l'usine, a baissé de 25%. Mais il n'y a pas eu de licenciement massif. Ce n'est pas une baisse d'effectifs qui a été décidée comme ça. J'ai eu des tableaux en main qui m'ont permis de voir quelles étaient les composantes de cette baisse d'effectifs. Alors, les composantes de cette baisse d'effectifs, c'est beaucoup plus compliqué que de dire que ça a baissé de tant ou pourcent. C'est de dire il y a eu combien de départs ? Alors, il y a eu des départs à la retraite. Il y a eu des démissions, parce qu'à l'époque, il y avait encore presque le plein emploi, et les gens pouvaient encore changer de métier et aller ailleurs s'ils avaient envie d'aller ailleurs. Il y avait les gains de productivité, c'est-à-dire en mettant des machines plus performantes dans des investissements importants, ça réduisait automatiquement des emplois. Il y a eu donc toute une série de... Et alors, le bilan, finalement, si on prend les chiffres globalement, hein, ces chiffres, c'est 3300 et quelques départs, mais aussi 1900 entrées, embauches. Et donc, ça continuait à vivre, mais de façon telle que les effectifs diminuaient. Alors, néanmoins, cette baisse d'effectifs inquiétait un peu le milieu local, les syndicats, les hommes politiques, elle est arrivée dans un contexte qui a été quelquefois assez traumatisant. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le cas de la chaudronnerie inoxydable, hein, qui a été, sur décision pratiquement gouvernementale, hein, dont le transfert a été décidé vers Saint-Chamond, hein, vers Chalon-sur-Saône, pardon, excusez-moi, vers Chalon-sur-Saône. Bon, c'était un exemple. Il y a eu un deuxième exemple, c'était les raccords. Alors les raccords, ce serait tout un sujet, parce que en 1920, le directeur de l'usine des aciéries de Firminy a décidé de se lancer dans la fabrication de raccords pour le chauffage central, les adductions d'eau, les tuyaux, tous les voilà, tuyaux. Donc il faut bien y avait un énorme marché pour les raccords. Il faut bien expliquer que ce sont des tuyaux qui permettent de faire de la... Fait circuler de l'eau. De la soudure entre les différents autres composants des radiateurs, oui, etc. Oui, ben c'est ça. Et puis surtout les raccords, c'est ce qui permet de joindre un tuyau, de mettre un coude, de mettre un aiguillage, un branchement. Et alors ces raccords, ben, le Firminy s'était spécialisé presque de façon mondiale dans la fabrication de raccords en fonte. Hein. Et il y avait tout un atelier qui avait d'ailleurs une particulière assez étonnante, c'est que la main-d'œuvre était surtout féminine. Ouais. Hein, j'ai mis dans le livre des photos qui rappellent cette main-d'œuvre féminine travaillant dans les raccords. Or, les raccords, eh bien, écoutez, tout d'un coup, dans les années 70, on a vu apparaître des concurrents dans le monde. On a vu apparaître aussi la concurrence des matières plastiques. Oui. Donc, il y a eu une baisse rapide et sensible du marché des raccords. Et la solution qu'on a trouvée, évidemment, pour faire face à cette situation, c'était de fermer une grande partie de la production à Firminy et de la délocaliser aux Philippines. Les délocalisations commencent là, si vous voulez. C'est en 1974 que le transfert a été fait, ce qui faisait disparaître quelques 800 emplois. Mais ça n'a pas été 800 licenciements. On a proposé au personnel, et beaucoup de femmes d'ailleurs, des formations pour qu'elles puissent se reconvertir, soit sur place, soit dans des usines du groupe, par exemple à Saint-Chamond. Hein. Donc, il y avait quand même cette délocalisation. Et on gardait à Firminy, évidemment, les fabrications les plus délicates et puis l'entreposage et la gestion du marché des raccords. Mais c'est quand même une disparition qui a été très sensible. Alors, à ces désinvestissements s'ajoute le démantèlement de Crozoloir qui a participé aux difficultés du oui, site. Oui, alors il faut dire que l'année 1974 a été, dans la sidérurgie française et mondiale, une année terrible. Ça correspond au début de la fameuse crise pétrolière, hein, qui a réduit les investissements, qui sont les clients de la sidérurgie, c'est les gens qui investissent dans des machines, dans des installations, c'est pas les particuliers comme vous et moi. Or, la crise liée à la hausse extraordinaire du prix du pétrole a provoqué dans le monde entier une année terrible, hein, terriblement renversement de conjoncture à partir de 1974. Et le groupe, tout d'un coup, perd des clients, perd de la rentabilité et évidemment accumule des déficits. Hein, et souvent, quand il y a une situation comme celle-ci, les gens de long terme ont eu l'impression que quand il y avait une fermeture à faire quelque part dans le groupe, on disait « Ah ben, il n'y a qu'à fermer dans Londres et on fermait plus facilement voilà. En Londres qu'ailleurs. » C'est là où on voit que les prises de décision alors, échappaient complètement. Les prises complètement. De décision étaient prises au niveau central, au niveau directionnel. Et alors, quelles étaient les raisons pour lesquelles Londres était dans le collimateur? Est-ce que c'était parce que j'ai une réputation de Vallée Rouge, qui avait deux ou trois municipalités communistes? Est-ce que on peut faire des procès d'intention, on peut pas savoir ce qui se passe dans les têtes des décideurs. Il y a certainement une part de vrai dans ce qu'il dit là, mais Londres s'est toujours trouvé défavorisé quand il y a eu des reconversions. Et par exemple, quand on regarde les investissements qui ont été faits par Creuse-Loire dans cette période, Londres avait des investissements, certes, de gains de productivité ou de machines, mais en proportion du nombre d'employés, d'ouvriers, beaucoup moins qu'à Chalon, ou même à Saint-Chamond, à Chalon-sur-Saône, ou même à Saint-Chamond. Oui. Hein. Alors, donc, je sais que c'est... Londres avait l'impression d'être un peu le parent pauvre. Oui. Et il y a pas mal de tracts, de textes syndicaux de l'époque que j'ai pu retrouver, que je cite en partie dans mon livre, qui montrent bien cette perception de... Alors justement, à ce propos, quel est le jeu syndical auquel vous avez pu assister hein, alors, le jeu syndical, ben, c'est la protestation, bien entendu, hein, syndicale. Bon, je ne sais pas comment dire, mais le jeu syndical, c'est évidemment de protester, de refuser de cautionner des disparitions d'ateliers. Je ne sais pas, il y aurait des... Bon, il y avait une défiance du syndicat à l'égard du patronat, et en particulier, évidemment, un grand personnage qui n'a pas été beaucoup apprécié, c'était le fameux Baron Empain, qui s'est trouvé le président directeur général de Creuse-Loire. Hein. Mais là, ici, c'est difficile de résumer tout ça, parce que j'ai un texte là sous les yeux, par exemple. La CFDT ne peut cautionner l'option malheureuse voulue par des dirigeants irresponsables d'une grande entreprise industrielle vis-à-vis d'un des plus importants établissements de notre région. La CFDT ne peut admettre que le comité d'établissement de Londres devienne, par votre seul fait, un instrument de démolition de l'entreprise ou un tribunal qui jugerait du bien fondé des licenciements décidés par la direction. Et donc, les délégués de la CFDT, sûrs de la confiance des travailleurs et malgré l'amertume qu'ils en ressentent, continueront à défendre les intérêts de tous les salariés et lutteront pour la sauvegarde de l'emploi conformément aux attributions sociales et économiques prévues par la loi. Enfin, ouais, c'est un exemple Il y a plusieurs reprises, les syndicats ont dénoncé les opérations bancaires. Voilà, qui se sont réalisées également, ça joue aussi, voilà. Mais ça n'a pas empêché que le démantèlement continue. Alors, le coup de grâce a été donné par le fait que Creuse-Loire, aux prises avec des déficits, pas seulement dans Londres, mais en général, hein, dans l'ensemble des sites industriels qui étaient sous sa responsabilité, Creuse-Loire s'est retiré de Londres. S'est retiré de Londres en 1983. Et à ce moment-là, une bonne partie des actifs laissés par Creuse-Loire ont été transférés à Usinor ou bien confiés à des filiales. Hein. Il y a eu toute une politique de filialisation. Alors, on pourra en donner le détail, mais toujours filiales, pour rester sur le thème de la main-d'œuvre, vous vous êtes aperçu que finalement, il y a eu fort peu de grèves. Oui, des protestations qui pouvaient durer 24 heures, qui pouvaient durer, mais il n'y a pas eu de grandes grèves massives. En 68, par exemple, il y a eu les fameuses grèves de 68, mais qui ont été générales, qui n'ont pas été spécifiques de la sidérurgie, qui ont été... Il y a eu ces grèves-là, mais elles étaient dans le contexte général des mouvements sociaux, voilà. Je propose qu'on fasse une nouvelle petite pause musicale. Mmh. Alors, je crois que la transition va un peu être toute faite, puisqu'on a parlé d'Ondaine la Rouge, j'ai entendu ça un instant. On va aller sur Longwy la Rouge. Ah, mais t'as trouvé autre chose. Voilà, bon. Avec. Je pense que ça va convenir, puisqu'on a parlé aussi de transfert d'activité sur Usinor. Bah, du coup, on va revenir sur cette chanson qui a marqué la fin des années 70, qui a connu un grand succès, notamment par rapport au premier grand licenciement ou licenciement massif. Dans la sidérurgie à la fin des années 70 et notamment à Longwy avec l'annonce de plus de 20 000 suppressions de postes et notamment les ouvriers des usines du groupe Usinor en avaient fait leur hymne et notamment au sein de la radio libre qui avait été créée alors qui est bien entendu Lorraine Cœur d'Acier. Il s'agit de la chanson Le Chiffon Rouge qui a bien sûr été popularisée par Michel Fugain. Se coupe brutalement pour cette version retrouvée. Donc il s'agit du Chiffon Rouge par Michel Fugain. Donc j'imagine aussi morceau très populaire dans la région et dans la vallée. Tout à fait, très populaire, qui est encore chanté aujourd'hui dans tous les regroupements d'anciens militants. Et René Commère disait qu'il y avait eu peu de mobilisation et de grève. Alors néanmoins, moi j'ai pu voir qu'il y avait des rassemblements et manifestations massives fin des années 70 et 78 notamment, avec les sidérurgistes de Lorraine, du Nord, qui s'étaient rassemblés à l'appel de la CGT à Paris. Est-ce que Ondaine était aussi partie prenante finalement du mouvement ? Écoutez, je dois dire que l'ouvrage que j'ai fait ne portait pas tellement sur l'histoire sociale Et j'ai mentionné les mouvements sociaux, mais mon objet, c'était surtout de raconter l'évolution technique, productive du site dans son contexte national et international. Et il y avait déjà de quoi faire, et technique aussi. Donc, j'ai plus un souvenir exact la chronologie des manifestations qui ont eu lieu, mais il y en a toujours eu, bien sûr, pour protester contre telle ou telle décision. Bah là, c'était surtout les plans de restructuration qui étaient lancés à l'époque. Si vous permettez, je vais citer ce qui a été écrit par un ingénieur qui s'est confié dans une enquête au CRESAL. Le CRESAL, c'est le Centre de Recherche de Sociologie Appliquée du département de la Loire. Et il écrivait ceci en 1986. Hein. Ça n'a pas été publié à l'époque, mais c'est un rapport donc, qui était resté confidentiel, qui était resté dans les tiroirs, mais dont j'ai eu connaissance. Voici ce qu'il écrivait en 1986. « Depuis 5 ou 6 ans, ce ne sont que nominations politiques, parachutage de dirigeants issus de divers sérails, mais n'ayant pratiquement jamais une connaissance spécifique ni une vision ample de l'industrie sidérurgique. D'où des changements fréquents de dirigeants, une instabilité chronique, une improvisation quasi permanente, une succession ininterrompue de plans de rationalisation qui n'ont pas le temps de recevoir un semblant de mise en œuvre efficace. » Alors voilà, c'est la fin de la citation. Et de son côté, en novembre 1978, pour justifier une réduction de leur salaire, la direction avait maladroitement reproché aux cadres locaux de Creuse-Loire de travailler mal, entre guillemets, travailler mal. Et la section syndicale locale invita la direction générale à s'interroger sur les vraies responsabilités en matière de filialisation désastreuse, d'investissement à l'étranger, d'abandon de fabrication de produits élaborés pour des produits banaux que d'autres fabriquent à moindre coût, de dépenses inconsidérées telles que de luxueuses brochures. C'est dire, encore une fois, à quel point entre l'état-major et les gens du terrain, même les cadres, il y avait un divorce mental, un divorce psychologique assez marqué. Voilà. Donc, cette crise, évidemment, ne pouvait pas ne pas avoir des impacts humains, bien entendu. Et Zhao Xi, par exemple, le témoignage, j'ai mis dans le livre le témoignage d'un médecin du travail sur les difficultés d'adaptation des personnes de toute catégorie à cette situation, qui était une situation d'instabilité et de détresse par rapport à l'avenir. Mais voilà ce que je peux dire par rapport au sujet. Ça ne répond pas tout à fait à la question posée, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas eu, dans la vallée de l'Ondaine, de licenciements massifs. Oui. Ça a toujours été des suppressions d'emplois, par départ à la retraite, par mutation, par formation vers d'autres professions, ou par des gains de productivité qui faisaient que la machine remplaçait un bonhomme par-ci par-là, mais quelques bons hommes par-ci par-là, mais il n'y a pas eu de licenciement massif. On avait l'exemple de la mine où il fallait éviter aussi, dans la même région, des licenciements massifs et où la fin de la mine s'est faite progressivement sans drame social, pratiquement, enfin sans vrai drame social, je pense que. Voilà. Alors, les productions changent, les ateliers ferment, mais le site, globalement, reste le même, parce que, à l'intérieur de ces bâtiments, progressivement, réapparaissent de nouvelles activités. Oui, alors les nouvelles activités, d'abord, Usinor a confié, il a créé une entreprise filiale qui s'appelait C3F, Compagnie des Forges et Fonderies de Firminy, C3F. Et C3F a eu pour mission, après 84, après le retrait de Creuse-Loire, d'assurer la continuité de la production là où c'était possible, hein, là où les filialisations avaient quand même eu un semblant de succès. Et ce que j'ai bien souligné dans le livre, c'est que l'atout qualitatif de la production n'était pas en cause. L'atout qualitatif, on a continué à produire de bons objets, à satisfaire le marché par rapport à, par exemple, j'ai ici un exemple de fabrication complexe destinée au bassin pétrolier d'Orenbourg en Sibérie, c'est-à-dire des pompes et des systèmes de pièces moulées très complexes en acier inoxydable. J'ai d'autres exemples. On a travaillé aussi pour l'armement, pour des pièces de chars AMX. Donc il y a eu toute une série de choses qui ont été faites. Et il y a un directeur de l'époque, c'était M. Coleman en particulier, qui disait lors d'une journée porte ouverte, il disait, il faut tout faire pour que ça tienne, tout faire pour que ça tienne. Alors, pour que ça tienne, on a quand même favorisé les réductions d'effectifs au moindre coût social, et au moindre coût social, c'est-à-dire avec des systèmes de pré-retraite. Et j'ai eu la confidence même d'un leader de la CGT locale, dans les CGT des mineurs, et d'autres d'ailleurs, qui m'ont dit, ah, on nous a mis à la retraite d'office, mais on doit bien reconnaître qu'on ne s'est pas foutu de nous. Je préfère le dire parce que, bon, je ne l'ai pas mis exactement comme ça dans le livre, mais il y a eu tout un plan de réduction d'effectifs qui, évidemment, a dû coûter très cher à l'entreprise et à l'État, mais qui n'a pas provoqué de traumatisme social, sinon que les gens, évidemment, se trouvaient à la retraite. Alors que... J'ai eu un beau-frère qui était dans ce cas-là, et il a été mis à la retraite à 55 ans. Hein, et en pré-retraite, c'est-à-dire avec un capital versé pour tenir jusqu'à 60 ans, et un capital qui a été faramineux. Et j'ai connu ce capital parce que, comme il est mort entre-temps, on était dans ses héritiers. Alors... Alors, on a vu apparaître des PME qui ont profité du cadre industriel et des locaux. Alors, il est apparu des entreprises nouvelles. D'abord, on a continué à investir, les 3F. Hein. On a continué. Par exemple, je donnerai le cas du laminoir à froid. La firme avait envoyé à Firmini un ingénieur dans le début des années 90 qui avait pour mission de fermer le laminoir à froid. La mine à froid qui avait été créée déjà dans les années 20, hein, assez loin dans le siècle, et qui était évidemment en situation concurrentielle avec Peugeot, avec d'autres laminoirs comme ceux de Pont-Droide, de Peugeot. Enfin, c'est une mine à froid, vous savez, c'est un processus assez délicat pour fabriquer des tôles très très fines. Or, cet ingénieur, je crois qu'il s'appelait M. Rigaud, est arrivé. Et il a constaté qu'il y avait un réel savoir-faire, un réel potentiel. Et au lieu de fermer le laminoir, il a obtenu des crédits pour le moderniser. Hein. Et d'où la création de l'installation du Sanzimir, qui a fonctionné encore pendant des années, qui fonctionne encore. Le laminoir à froid existe toujours de nos jours. C'est-à-dire que vous avez un produit de haute technologie qui produit des choses rares. En particulier, c'est qu'il est capable de laminer du métal invar. Invar, c'est-à-dire un métal qui ne se dilate pas à la chaleur et dont le principal client a été les fabrications de télévisions en Chine. Parce que ça fermait sur le métal très fin qui servait de grille de base pour les téléviseurs à l'époque où c'était C'est une propriété ArcelorMittal actuellement. Le laminoir est maintenant, je dirais, il a été infusé une précision et puis maintenant c'est ArcelorMittal qui possède ce laminoir à froid. Enfin, ça a changé de nom, c'est un nouveau nom. Excusez-moi, je l'ai vu plusieurs fois en passant devant, mais de mémoire, je pourrais difficilement le citer, mais c'est plus ArcelorMittal, c'est sur l'enseigne, c'est un autre nom, mais j'ai regardé sur Internet, c'est la même production. Hein. Voilà. Alors, René Commer, vous êtes un spécialiste d'archéologie industrielle. Vous avez plusieurs fois accueilli des délégations de la France entière pour... venir voir le site. Alors, faites-nous visiter ce site. Sur quoi voulez-vous attirer notre attention ? Bien, alors, le site, ce qu'il en reste, parce qu'il reste pas mal de choses. Le plus important, la plus importante territoire sur lequel il reste pratiquement une grande partie des bâtiments, je ne dis pas des fabrications, mais des bâtiments, parce qu'ils ont été repris par des entreprises qui fonctionnent actuellement, c'est ce qui est de l'autre côté de la gare de Firmini. Vous prenez la voie ferrée, vous êtes à Firmini, vous traversez la voie ferrée, de l'autre côté de la gare de Firmini, alors, c'est-à-dire à partir de la rue du colonel Riez et tout ce qui est à l'est de la rue du colonel Riez. Là, vous avez Clextral, les ateliers de Clextral, qui livrent quand même des machines hautement qualifiées, certifiées. Et je viens de voir dans le journal la semaine dernière qu'ils venaient d'acheter une usine en Chine, au Chili. Pour s'ouvrir le marché, pour s'ouvrir un peu mieux le marché sud-américain et américain. Donc c'est une usine dont le chiffre d'affaires en 2011 ou 2012 a progressé de 20%. Mmh. Alors c'est pas la crise pour eux, vous voyez. Donc ils ont un créneau de production qui est de haute qualité technologique et qui a des clients dans le monde entier. Et Clextral embauche. Et Clextral embauche en plus, voilà. Alors il y a Clextral. Il y a Aubert-et-Duval, enfin ça s'appelait Techfi, Aubert-et-Duval, qui garde évidemment une forge, c'est-à-dire presse à forger très puissante, et qui a ensuite fait l'usinage des pièces qu'elle a forgées, des pièces longues en général, donc qui fait la trempe, qui fait l'usinage, et qui est toujours dans des aciers hautement spécifiés, parce que associé à la forge, il y a au four électrique qui produit l'acier, il y a un laboratoire qui fait faire toutes les analyses nécessaires pendant la fusion, et pour s'assurer qu'on a la qualité voulue de l'alliage. Donc il y a ça, il y a Crextral, il y a la laminoir à froid, hein, donc de ArcelorMittal. Voilà les principaux éléments qui sont dans ce site. Alors c'est un site où on ne pénètre pas puisque c'est encore occupé par les industries, mais on peut le contourner facilement. Et au milieu de ce site, on voit la fameuse tour de trempe, qui est un des vestiges évidemment qui est un vestige très très très présent. Mais qui alors voilà, peu... vous allez nous parler du paysage maintenant. Alors hein, la tour de trempe qui domine ce paysage de grands ateliers, de grands hangars, et qui est un témoin d'une période où on a voulu tremper des pièces longues d'une trentaine de mètres. Et donc, sous la tour, il faut imaginer des puits d'égale profondeur, un dans lequel il y a le four électrique pour chauffer et un autre dans lequel il y avait les bassins de trempe. Alors, la dernière trempe, ça a été l'axe du Clémenceau ? Alors, c'est quelque chose comme ça. Les témoignages sont assez imprécis là-dessus. Certains ont dit que ça avait marché jusqu'à 90, d'autres disent non, ça s'est arrêté plus tôt. Les souvenirs des gens qui m'en ont parlé sont assez imprécis. Mais c'est vraiment les axes, les arbres de marine, les arbres de grands bateaux, comme le Clémenceau, ont été forgés et trempés dans ce cadre-là. Actuellement, elle ne sert plus, mais des témoins m'ont dit qu'elle sert aux pompiers à s'entraîner au travail souterrain. Et on m'a dit que si jamais il y avait un marché pour les produits qu'on peut tremper dans cette condition-là, il suffirait de quelques mois pour la remettre en service. C'est un témoignage d'ingénieur qui me l'a dit il y a 2 ou 3 ans. Hein. Voilà. Alors, beaucoup d'éléments qui retiennent votre attention. Alors pour le reste, ce qui est rue d'Orient, il ne reste pas grand-chose. Il reste l'ancien atelier de Moyenne Forge. Et puis il reste une partie de l'ancienne usine du Nieu. Là aussi, et je signale le bâtiment qui porte dans son linteau Jacob Holzer, 1832. Ouais. Le berceau de l'entreprise. Merci René Comer. On rappelle simplement, peut-être pour terminer cette émission, que René Comer et cet ouvrage « Mémoire d'acier en Ondaine » est disponible, j'imagine, donc disponible notamment en bibliothèque, médiathèque. C'est publié aux publications de l'Université de Saint-Etienne, au PUS. Exactement, oui. Donc j'imagine publication de l'Université de Saint-Etienne. Alors certaines librairies l'ont eu dans les premières années de la sortie. Actuellement, je crois qu'il faut commander directement aux publications de l'Université de Saint-Etienne, rue Tréfilerie, facile à trouver par Internet. Mémoire d'acier en Ondaine. Et puis pour l'archéologie industrielle, j'avais fait un article dans le numéro de la revue Archéologie industrielle qui s'appelle Inventaire archéologique de l'ancienne usine de l'Ondaine. Vous avez la 16 pages avec des photos, des textes qui vous permettront, si vous trouvez cet article, de visiter le site. Il n'y a pas grand-chose de changé depuis 2005, donc l'essentiel y est. Et c'est un article qui m'avait été demandé par le SILAC. Le SILAC qui publie Archéologie industrielle. Donc numéro 46, juin 2005. Voilà, on rappelle simplement que cette émission réalisée avec le Grémos est disponible aussi en écoute sur le site internet dédié www.gremos2m.os.l'autre.net, gremos.l'autre.net, où vous pouvez retrouver les émissions réalisées en diffusion et donc téléchargement en écoute sur le site, et que la prochaine émission aura lieu le 17 janvier prochain avec Jean-Michel Stenner et vous-même Maurice Bedouin pour une émission consacrée au congrès CGT de 1948. Toute une autre histoire. On souhaite en tout cas à nos auditeurs et auditrices une très bonne fin d'année et on se dit rendez-vous à celle prochaine. Au revoir.